إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قد جاء في حديث عن أبي مسعود هو ابن مسعود عبد الله بن مسعود متفق عليه في الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة أو مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب qu'il est dit sallallahu alayhi wa sallam dans une partie du hadith n'y a-t-il pas dans le corps un bout de chair ce bout de chair s'il se voit vertueux et réformé tout le reste du corps le sera Et contrairement à cela, si ce bout de chair se voit perverti ou corrompu, le reste du corps le sera également. Et il s'agit du cœur. Le cœur influe sur le reste du corps. Si le cœur se porte bien, cela se reflétera à travers les agissements du serviteur, du abd. Alors, il y a assez fait. Et le contraire, si jamais ce cœur se voit mauvais, fasid, marid, ou ghayr dhalika, ça influera, kazalik, sur les agissements du serviteur. Et les maladies, al-amrad, allati yusabu biha l'insan, elles sont de deux catégories. Fi marad, الجسد ومرض القلب ces maladies sont de deux sortes celle du corps c'est-à-dire les problèmes de santé qu'on peut avoir les maladies celles-ci ne nuisent que à la santé du serviteur et cela est indépendant de sa volonté et cela ne l'amène pas forcément à commettre des péchés et l'autre maladie c'est celle du cœur كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا qu'il y a dans leur cœur une maladie et que Allah leur a ajouté à cette maladie et ces maladies là sont la catégorie la plus dangereuse car les effets apparaissent à travers les agissements du abd quand son cœur est malade tu le verras à travers son comportement et comme le hadith l'a démontré et les maladies qui touchent nos cœurs sont très nombreuses très nombreuses, et notre religion est venue pour nous mettre en garde contre ce genre de maladies. Comment agir? Comment les reconnaître? Quelle est la menace qui encourt celui qui laisse libre cours à ce genre de maladies? Wa'akaza. Et parmi l'une d'entre elles, parmi les plus venimeuses, les plus dangereuses et les plus nuisibles, al-hasad. Ce qu'on appelle la jalousie. Al-hasad en arabe. Et ce hasad a été défini par les ulama. Annahu huwa an yakrah al-insan ma anama Allahu bihi ala ghayrihi. Que la personne n'aime pas que Allah ait accordé des bienfaits à autre que lui. Cela le dérange. Cela l'irrite. Wa Sheikh Al-Faymin yaqulu hada al-hasad wa mithaluhu an takraha anna Allah an'ama ala hada al-rajul mathalan bil mal aw bil banin aw bil zawjah aw bil ilm aw bil ibada aw bi ghayri dhalika min an-ni'am sawa tamannayta an tazura am lam tatamanna. Et il a dit également de cette maladie du hasad, c'est le fait que tu n'aimes pas voir qu'une personne, mesalène, Allah lui accorde des bienfaits, c'est-à-dire des choses qui lui sont profitables, d'accord, des bienfaits. Car des fois, Allah accorde des choses à des gens qui sont, aux yeux des gens ignorants, un bienfait, mais dont ceux qui ont la clairvoyance voient que cela est un mal pour eux. Ce n'est pas pareil. Là, on parle d'un bienfait, d'accord, comme par exemple des biens, de l'argent, ou beaucoup d'enfants, ou une épouse, ou un époux pour la femme, ou du ilm, d'accord, ou qu'il soit une personne dévote dans les adorations, il fait beaucoup de siyam, beaucoup de qiyam, il lit beaucoup du Coran, réel zalika. Il y a un nid que toi, tu sais que cette personne-là n'est plus cela. Et peu importe, comme l'a dit Cheikh Hassan également, que tu souhaites, toi, que cela te revienne ou pas. T'as les gens ne veulent pas que d'autres l'aient, mais que eux l'obtiennent. Et la jalousie, ce n'est pas une condition. Le simple fait que tu veux que la personne n'ait plus cela, ça suffit. Ah, c'est même si tu ne le veux pas pour toi. Tu veux dire, un tel, tel nirma, moi je ne le veux pas forcément, mais ça m'insupporte que Foulen il ait cela. Et cela est très dangereux. فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على شخص فهو حسد. Le simple fait que la personne n'aime pas que Allah accorde des bienfaits à une personne, cela est de la jalousie. Cela est de la jalousie. Nous, en tant que francophones, il faut qu'on différencie justement entre différents termes. Car le mot jalousie en français, pour nous, il est plus général. Il englobe différents sens qui, eux, en arabe, sont, eux, bien distincts. Elle est un an al-hasad, la jalousie. D'accord ? À ne pas confondre avec, mathalen, al-ghayra. Al-ghayra, ce qu'on appelle également en français la jalousie. Ou al-ghayra, hiya karahat ishtirak al-ghayr fi haqqihi. Qu'une personne n'aime pas que autrui soit également partage de son droit à lui. Cette jalousie, par exemple, qu'un homme aura pour sa femme. Un homme ne veut pas qu'un autre homme voit sa femme ou touche sa femme parmi les étrangers. Également la femme. Elle n'aime pas que son mari, mesalène, soit attiré par d'autres femmes. Ça, c'est une autre forme de jalousie. Et celle-ci, elle est, shal'an, elle est demandée. Comme a dit le hadith Sa'd ibn Ubada, قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني. هذا الحديث يدل على أن غيره من صفة الله كذلك عز وجل. Qu'il a dit Sa'd ibn Ubada, si jamais je voyais un homme avec ma femme, je le frapperais de l'épée du côté aiguisé. Par jalousie. C'est normal. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, elle vous surprit de la jalousie de Sa'd. Je suis plus jaloux que Sa'd et Allah est encore plus jaloux que moi. Donc cette jalousie-là, elle est bonne. Elle est demandée. D'accord ? Qu'un homme, mathalène, soit jaloux des femmes qui sont son foyer, que ce soit ses filles, soit ses sœurs, soit sa mère, il est jaloux. Il ne veut pas qu'il leur arrive quelque chose qui nuise à leur honneur ou à leur personne. Et Allah azawajal a cette sifat-là. Comme a dit le hadith, « وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدِ مَا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ » Et que la jalousie d'Allah, c'est que son serviteur enfreint ce que Allah lui a rendu interdit. Donc Allah, il est jaloux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était jaloux, et les hommes de vertu sont des gens jaloux. Et celui qui n'est pas jaloux, cela amène à beaucoup de mal. On le voit chez les koufars, comment cela se passe dans leur mode de vie, leur manque de jalousie, ou qu'elles soient mal placées, amène à bien les déboires. Une autre forme qu'on appelle jalousie en français, et qui n'est pas concernée également à la part, ce dont on va parler. Ce qui s'appelle ribda. Ribda. تمني حصول على مثل نعمة التي على غيره من غير زوالها. تمني الحصول على مثل نعمة التي على غيره من غير زوالها. Le fait de souhaiter obtenir un bien présent chez quelqu'un d'autre, une ni'ma, sans pour autant vouloir que cette personne-là la perde. Ça, c'est une bonne chose. Ça mène à ce qu'on appelle en français l'envie. Mais la bonne envie. Tu envies un tel qui a telle chose. Tu envies un tel qui a telle chose. Sans pour autant détester qu'un tel ait cette chose-là. قال le Nabi sallallahu alayhi wa sallam في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا حسد إلا في اثنتين. Il n'y a pas de jalousie à part dans deux choses. Et là, dans le mot jalousie, il veut dire par là, elle ribda. comme l'expliquait le ulama, et non pas le hasad dont on va parler. Donc il n'y a pas de jalousie à part dans deux choses. Rajulun ata'ahu Allah al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar. En premier lieu, le fait d'envier une personne qui a le Coran, il est hafiz, il a mémorisé, et il se lève la nuit et la journée, c'est-à-dire il le récite, il fait beaucoup de salawat. وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَا أَلَّيْهُ وَأَنَا النَّهَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ou un homme qui aura des biens, des richesses, cependant, ces richesses, il les utilise dans le bien, nuit et jour. Donc, ces deux formes de personnes-là sont à envier. En dehors de cela, on n'a pas envié les gens. Et c'est général. Quand on dit le Coran, ça veut dire le ilm. D'accord? Le ilm. Et les biens, c'est tout ce que l'homme possède, qui lui sont profitables dans sa dunya, à lui ainsi qu'aux autres, et qui lui rapporteront de beaucoup de récompenses. Donc ça, c'est une bonne caractéristique de ce qu'on considère dans le bien, de chercher à se devancer dans le bien. Comme encore le Ta'ala, au Fizalika, il fallait être un facile, mais un fissoun. Et sans cela, que ce concurrent, c'est les gens de la concurrence, c'est-à-dire les mu'minoun. Ou encore le Ta'ala, ou astabikul khayrat. Et devancez-vous dans le bien. Ou alladhi qalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, et son arche, son trône était sur l'eau, afin de vous éprouver qui d'entre vous agira le mieux. Et c'est demandé. Omar, combien de fois a-t-il espéré devancer Abu Bakr dans les bonnes actions? Combien de fois voulait-il faire mieux que lui? كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه وأرجو أن أكون أكثرهم متابعا يوم القيامة. Par rapport au prophète, il dit j'espère être celui qui aura le plus de suiveurs le jour de la résurrection. Donc il espérait devant ses autres prophètes dans le fait d'avoir le plus de suiveurs. Kullu hadha laysa fi mahdhur. Donc bien différencier entre ces différentes catégories. Le hasad, le fait de vouloir ôter le bien de quelqu'un, que ce bien disparaisse de cette personne, c'est celui dont on va parler. Al-ghayra, qui est la jalousie de fait de ne pas vouloir que quelqu'un puisse lui-même avoir une part dans tes biens qui te revient à toi, strictement à toi. D'accord? Comme la jalousie de l'homme avec sa femme, et ainsi de suite, comme on l'a expliqué. Et la ribda, qui est, elle, la bonne envie. Car en français, ça se dit toute jalousie. En français, tout cela s'appelle jalousie. Donc, ce hasad dont nous parlons là, est une maladie dont les effets sont très néfastes. De très mauvaises conséquences sur la personne. Ce hasad, قد يدفع الإنسان إلى الكفر بالله عز وجل. Il peut te rendre mécréant, te pousser à devenir mécréant. Ce fut le cas de qui? De Iblis. لعنه الله عليه. كما قال تعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Il a dit, as-tu vu celui donc que tu as honoré sur moi, c'est-à-dire Adam? Si jamais tu me laisses un délai jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai sa descendance, hormis peu d'entre eux. Donc, Iblis a refusé d'obéir à Allah Azzawajal en se prosternant pour Adam, par orgueil d'une part, car il se croyait meilleur, et par jalousie envers les bienfaits que Allah Azzawajal et les faveurs accordées à Adam. Kadhalik, al-Yahoud. Yahoud, ils ont refusé de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela par quoi? Par jalousie du fait que la prophétie soit venue chez un arabe et non pas chez l'un des leurs des Bani Israël. Par jalousie. Ils ont refusé la vérité alors qu'ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu. En kazalik, les gens du livre, yani, à la wajil am, yahsuduna al-mu'minin, ils nous jalousent. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahl kitab, lo yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi al-fusihim. Que beaucoup des gens du livre souhaiteraient vous renvoyer, c'est-à-dire vous faire apostasier, après que vous ayez eu la foi, que vous redeveniez koufar, et cela par jalousie qu'ils ont en eux, après qu'ils aient connu la vérité. Ils ont connu la vérité, mais par jalousie, ils l'ont refusé, et en plus, veulent vous faire mécroire à vous aussi. كذلك المنافقون, les hypocrites. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ. Ils aimeraient vous voir mécroire comme ils ont mécru afin que vous soyez égaux. Ils jalousent cette foi que Allah Azza wa Jalla nous a accordée. Ce hasad, parmi ses effets néfastes, quand Dieu a dit, il est qatl, qatl al-nafs allati haram Allah. Cela peut amener au meurtre. Comme ce fut le cas de qui? Des fils de Adam, alayhi salam. Premier meurtre qui a été accompli sur terre. Watlu ali ibn babnai Adam, bil haq, iz qurruba qurbanan fatuqbila min ahadihima, wa lam taqabbal min al-akhar. Qala laqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Et récite sur eux l'histoire des fils de Adam en toute vérité, lorsqu'ils furent leur offrande et qu'elle fut acceptée de l'un d'entre eux et non de l'autre. Et que ce dernier dit justement, je vais certes te tuer. Et l'autre lui a répondu que Allah n'accepte que des pieux. Que son âme l'a incité à tuer son frère, alors il l'a tué et il fut du nombre des perdants. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية يقول تعالى مبينا وأخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم لصلبه. C'est-à-dire que Allah عز وجل par ce verset démontre justement les conséquences néfastes de l'injustice, de la jalousie, comme cela fut arrivé avec les fils de Adam. ثم قال يعني سماهما Habil wa Qabil, c'est les noms qu'ils ont été donnés en arabe, bien qu'il n'y a pas de preuve dans la Sunna ou dans le Coran qu'ils étaient appelés comme ça, mais c'est ce qui est connu chez les Mufassirin. Kayfa ada ahaduhuma ala al-akhar, comment l'un d'entre eux, s'en est pris à l'autre. Faqatalahu baghiyan ali wa hasadan lah, qu'il l'a tué par injustice et par jalousie. Par jalousie. Donc le premier meurtre commis sur terre, sa raison était al-hasad. Ce hasad emmène également à la division, à l'injustice, également à faire du riba, al-namima, c'est-à-dire la médisance, calomnie, ou al-kadhib, à mentir, ou à conspirer contre qui? Contre la personne que l'on jalouse. Ce fut le cas des frères de Yusuf, alayhi salam. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Ils ont dit que Youssouf ainsi que son frère sont préférés auprès de notre père que nous. Notre père, c'est-à-dire Yaakoub, les préfère à nous. Alors que nous sommes un groupe fort. Nous voyons certes que notre père est dans un également évident. اقتلوا يوسف أو اتروحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Tuez Youssouf ou alors abandonnez-le dans une terre. Comme ça, votre père vous préférera à vous par la suite. C'est-à-dire, en faisant disparaître Youssouf, cet amour qu'ils souhaitent avoir de leur père, qui était présent pour Youssouf, leur reviendra à eux. Celui qui est jaloux sera inéquitable envers celui qui est jalouse. Tu n'arriveras pas à connaître ses mérites. Tu n'accepteras pas qu'on fasse ses éloges. Tu ne trouveras que des défauts. Quand bien même là où il n'y a pas de défaut, tu le trouveras des défauts. Le jour où il sera lésé, tu ne sauras le défendre. Tu entendras les gens médire, manger sa chair, tu ne sauras le défendre. Et lorsqu'il sera critiqué, tu seras réjoui de des critiques à son encontre et tu ne chercheras pas à savoir est-ce qu'elles sont vraies ou pas. Ahamché pour toi que cette personne-là subisse quelque chose. Et à ce moment-là, tu deviendras volé envers ton frère. Ça pourquoi? Pour cette jalousie qui est dans ton cœur, à laquelle tu laisses libre cours. Cette jalousie est une tashabbu bil yahoud. Comme a dit le hadith an Aisha, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: "Ma hasadkum al-yahoud ala shay'in, ma hasadkum ala salam wa ta'min." Que les juifs ne vous vont pas jalouser pour une chose comme ils l'ont fait pour le fait de passer le salam et le fait de dire amin à la fin des salawat. Ils nous jalousent pour cela. C'est également une ressemblance au munafiqun. In tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadhna amrana min qabl wa yatawallawhum farihun. Que si jamais un bien te touche, cela les irrite. Et que si jamais un mal te touche, ils s'en réjouissent et s'en retournent. Et le verset qu'on a dit tout à l'heure également. Wa ad-dawlu takfuruna kama kafaru fa takununa sawa. Cette jalousie parmi ses effets, هي تنفي كمال الإيمان. Elle s'oppose à la perfection de la foi. كفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le jaloux, qu'est-ce qu'il fait? Il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, car il souhaite que ce bienfait que son frère a disparaisse. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي في حديث أبي هريرة لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. Que ne peuvent se regrouper dans le cœur d'un croyant la foi, c'est la foi complète, ainsi que la jalousie. Ainsi que la jalousie. Parmi les mauvais effets justement de cette jalousie sur le Abd, qu'est-ce qu'elle implique? Une insatisfaction face au décret d'Allah. بقضاء الله في حكمته كيف يرزق عباده. Que tu n'es pas satisfait du décret d'Allah dans sa sagesse, dans le risque, les bienfaits ou les subsistances qu'il accorde à ses serviteurs. كما قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في رزق. Que Allah a favorisé certains d'entre vous à d'autres dans la subsistance. C'est une chose que Allah a décrétée. C'est comme s'il disait, Allah il est injuste. Allah il a donné un tel ne mérite pas. Et comment tu sais qu'un tel ne mérite pas? Qui es-tu pour savoir que Allah a donné à une personne ce qu'elle ne mérite pas, ou qu'elle t'aurait privé toi de ce que tu mériterais d'avoir et qu'elle a donné à autre qui serait moins bien que toi à tes yeux? Ça amène à cela. كذلك, cette jalousie, elle occupe l'esprit du jaloux. Ça le pousse à espionner, à épier, à guetter et à s'occuper de ce qui ne le concerne pas dans ce qui se passe chez la personne qui est jalouse. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Parmi le bon islam de la personne, qu'il déteste ce qui ne le concerne pas. Et le hadith fait qu'elle aime avec une manière sahih. Le hadith, certains l'ont rendu mursal, mais le sens il est correct. كذلك هذا ينافي الشكر. Cette jalousie s'oppose à la reconnaissance des bienfaits d'Allah sur nous. Car le jaloux, à force de voir ce qu'il y a chez la personne qu'il jalouse, il se mettra à, on va dire, négliger ce que Allah lui a accordé à lui-même. Il ne verra pas ce qu'il possède lui, il verra ce que l'autre il possède lui. Il verra ce qu'il y a chez son voisin. Ça se trouve, il aura meilleur que lui, mais du fait qu'il ne veuille pas que l'autre personne ait ce qu'elle possède, il sera omnubilé par lui, obsédé par lui. Donc ne verra pas ce que lui-même possède comme bien. Ce hasad, quand du sabib al-ayn, le jaloux peut atteindre l'autre personne qu'il jalouse du mauvais œil, par cette jalousie qu'il aura envers lui. كذلك, هذا الحسد يبين خبث نفس الحاسد. Cela démontre la gravité du mal que contient l'âme du jaloux. Et on parle de celui qui laisse libre cours à cette jalousie. Cette jalousie, elle a amené à détruire des familles. Elle a amené peut-être à détruire même des états, des communautés, des relations fraternelles. Et bien autre chose. Le jaloux se fait du mal à lui-même. Et celui qui laisse libre cours à sa jalousie, c'est une personne qui est insensée. Car elle ne se fait du mal qu'à lui-même. Cette jalousie qu'il ressent en lui n'est qu'un mal contre lui-même. كما قال معاوية ليس في الخصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحصود. Comme l'a dit معاوية. Qu'on ne trouvera pas comme caractéristique dans le mal une chose qui soit plus juste que la jalousie justement. Pourquoi? Car cette jalousie, elle va tuer le jaloux avant qu'elle ne parvienne vers celui qui est jalousé. Le jaloux, il se rend malade. Il se met dans des états pas possibles. Alors que celui qui est jaloux, lui fait sa vie, alhamdoulilah, le mortar. C'est le jaloux qui se fait du mal. Il ne dort pas bien la nuit, l'esprit occupé, tout le temps en colère, d'accord? Sans compter le nombre de péchés que cela lui coûte lors de ses agissements. وَيَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعْتَزِ الْحَاسِدُ مُعْتَزُ عَلَى مَا عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وبخيل بما لا يملكه وطالبه لما لا يجده. Que le jaloux, c'est une personne qui est irritée contre quelqu'un qui n'a pas de péché, à la base, qu'il est avare envers ce qu'il ne possède pas, et qu'il désire ce qu'il ne trouve pas. Il ne veut du mal qu'à lui-même. Ou Ibn Qudama, al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, lui-même donne un exemple. Que quand bien tu serais, on va dire que tu serais un kafir, aqil, un kafir qui raisonne, tu te méfierais du hasad. Car comme tu verrais tout le mal que ce hasad te cause en toi, dans ton cœur, comme mal-être, et ne t'apporte aucun bénéfice, rien que cela, ça devrait suffire à ce que tu l'évites. Tu fais du mal pour rien. Fa kayf, kayf bil mu'min. Comment pour le croyant qui, lui, ressentirait cela, et en plus, sait que ce hasad pourrait lui coûter comme azab yawm al-qiyamah, comme châtiment par la suite. Donc le croyant, bab awla yatruk al-hasad. Le kafir lui-même devrait s'en rendre compte, à la base, celui qui réfléchit. Donc le croyant est encore plus en droit de réfléchir et de penser à son au-delà. Et admettons que ton haïn, en tant que hasid, atteigne la personne. Tu dis, je lui ai fait du mal. Ce haïn, il n'y a rien qui dit qu'il va enlever cette ni'ama que tu lui envies. Il n'y a rien qui te le garantit. Peut-être qu'il tomberait malade, mais cette maladie-là, ce n'est pas pour autant qu'il en perdrait les bienfaits que tu lui envies. Ça sera pourquoi pour lui un ibtila, une épreuve. Ou une rifa. Car au final, elle sera son avantage pour l'akhirah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ma min muslimin yusibu adha shokatun fama fukaha illa kafarallahu biha sayyatihi tahuttu la shajaratu warakaha » Qu'il n'y a pas de muslim qui soit atteint par un mal, c'est-à-dire les soucis, la maladie, quand même, la tristesse, ne serait-ce qu'une épine qui le piquerait sans que Allah ne lui expie ses fautes par cela. Tout comme un arbre perd ses feuilles. Donc le mal qui le touche, involontairement, amène à ce que Allah lui explique ses fautes. Donc même ce haïn que dont tu pourrais l'atteindre serait au final, si jamais yasbir, il patiente, il endure, ou yahtasib, ce sera à son avantage au yawm al-qiyama. Comme cette femme noire, comme a déjà fait Athar ibn Abbas, qui était atteinte d'épilepsie, wa qalat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah yashfiani, invoque Allah qu'il me guérisse. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lawshitti lasabarti yak al-janna. Si tu patientes sur ton mal, d'accord, j'invoque Allah, si tu patientes sur ton mal, tu auras le paradis. Et si tu veux, je demande à Allah qu'il te guérisse. Elle a dit non, je patiente. Car elle a vu que cela était à son avantage. Sa guérison ne lui garantirait pas qu'elle aurait le paradis. Mais cette maladie-là, qu'elle subissait malgré elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que cela serait une cause pour que tu ailles au paradis. Donc elle a patienté. Juste, elle a demandé à ce qu'elle soit plus découverte lors de ses crises d'épilepsie. Donc le jaloux, tu l'atteins à mal, s'il agit avec science et patience, endurance, c'est lui qui en sera avantageux. Kadhalik, ce hasad, par le zulm que tu vas faire subir à la personne, tu t'exposes à ce qu'il invoque contre toi. Wa da'watul mazloum mustajaba. L'invocation de la personne lésée est exaucée. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Crains la vocation de celui qui est lésé, car il n'y a point de voile entre cette invocation entre Allah. Allah l'exauce, même un kafir à qui tu ferais du mal, Allah l'exauce contre toi. Cette jalousie, elle nuit à ton image, elle rabaisse ton rang aux yeux des gens. Car celui qui est jaloux, et dont la jalousie est apparente, tu passes pour une personne vile, une personne qui est avide aux yeux des gens. Alors que dire d'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'en est-il qui sait, lui qui sait ce qu'il y a dans ton cœur? Même, hatta an al-kuffar, hada zilla, di zilla. Même chez les kuffars, quelqu'un qui est jaloux. Lui, c'est un vieux jaloux, comme disent les kuffars. Lui, ce n'est qu'un jaloux. Même chez eux, c'est mal vu. Qu'en est-il du muslim? Qu'en est-il de lui? Et ce hasad, il est lié à plusieurs maladies. Ce hasad, autour de lui, il y a d'autres maladies qui y sont liées. Par exemple, il y a l'orgueil. Al-kibr, kazalik, al-ujb, que la personne se voit elle-même, elle voit sa personne comme étant une personne de renommée, quelqu'un de bien. Kazalik, al-hikd, ça mène au mépris des autres, d'être jaloux. Wa kaza, ça mène au bukhl, à l'avarice. Il y a plein de maladies qui sont liées à cette jalousie. Et celle-ci, cette maladie, elle a des causes. Les personnes jalouses, il y a des causes qui amènent à cela. Parmi celles que les ulama ont citées, comme Mawardi, Awalad, Qal, Al-Bourd, que tu aies à la base une haine en toi contre la personne que tu jalouses. Cette personne-là, à la base, tu ne l'aimes pas. Et là, on parle pour des raisons qui ne sont pas légiférées. Ou alors, on est légiféré, mais qu'il y a eu un tajawuz de ta part, un excès de ta part. Que la personne qui soit jalousée, elle soit gratifiée d'un mérite irréalisable par le jaloux. C'est-à-dire que quelqu'un fasse une chose que tu es incapable de faire. Cela va amener en toi cette jalousie. Que le jaloux soit une personne avare dans la reconnaissance des mérites et des bienfaits. C'est-à-dire qu'il veut que tous les mérites ne le reviennent que à lui. Que tous les bienfaits ne le reviennent que à lui. Il ne peut admettre que autrui puisse en avoir une part. Et hatta walau kana indahu ma huwa afdal min al-mahsoud. Même si lui, il a plus que ce que le mahsoud il a, qui possède plus de bienfaits, par exemple, il a plus de science, il est plus riche que lui, ou kaza, malgré cela, il ne supporte pas que autre que lui puisse avoir ces choses-là également. Donc il va amener à quoi? À le jalouser. Il va être jaloux de lui. Ou parmi les causes, kaza, Alik, c'est la peur, la crainte de ne pouvoir atteindre son objectif. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs à avoir un objectif commun que seul l'un d'entre eux peut obtenir. Donc il a peur qu'un tel l'obtienne à sa place. Donc il devient jaloux de lui. Comme par exemple, deux frères qui veulent une même femme. Ou deux femmes qui veulent un même homme. Ou plusieurs personnes qui veulent une même chose. D'accord? Une même chose que seul un d'entre eux peut obtenir. Si l'autre obtient, ça va causer en quoi? En toi? De la jalousie envers cette personne-là. Ou parmi les causes, c'est que la personne elle s'imagine qu'il mérite une chose qui est attribuée à autrui. Ce qu'un tel a eu, tu te dis, ça c'est moi qui dois l'avoir à la base. Dans ta tête, tu t'imagines cela. Comme ce fut le cas de Iblis. Lanatullah alayhi. Wa binan ala hadhihi al-asbab. Qala al-ulama annahu يعني الحسد يحصل بين اناس من يعني بين متجانسين. C'est-à-dire que cette jalousie, elle apparaît, elle a lieu entre des gens qui sont dans un même domaine, dans une même catégorie, dans un même milieu. Par exemple, tu verras le alim jaloux de notre alim. Tu verras le tajir, le commerçant, jaloux de notre commerçant. Tu verras talib al-ilm qui sera jaloux de notre talib al-ilm. Tu verras la femme belle qui sera jaloux de la beauté d'une autre femme, ainsi de suite. Par exemple, tu ne verras pas un savant jaloux d'un commerçant. Tu ne verras pas un commerçant, par exemple, jaloux d'un architecte. Tu ne verras pas, par exemple, une femme jalouse d'un homme sur une chose qui ne la concerne pas. Les gens qui se jalousent, c'est les gens qui sont dans un même domaine, en général. Et ça, on voit, c'est très fréquent. Parmi, par exemple, les du'at et l'Allah, les prédicateurs, qui c'est qui a le plus de suiveurs, qui est-ce qui a le plus d'écoute, qui est-ce qui a le plus de renommée, qui est-ce qui a le plus de science. Tu vois des gens être jaloux de prédicateurs et s'en prendre à eux injustement, car ils voient qu'un tel, par exemple, il reçoit beaucoup d'éloges des gens, ou qu'il a plus de ilm que lui, par exemple. Et après, ils se servent de fitan pour se prendre à cette personne-là. Alors qu'au fond, ce n'est pas la fitna en soi qui est la cause, c'est qu'en fond de lui, il est jaloux. Mais cette fitna, elle est arrivée, donc elle lui a donné un prétexte de pouvoir parler sur cette personne-là qui, à la base, il le jalouse. À la base, le jalouse. Juste cette fitna-là, c'est pour lui, c'est un justificatif. Mais Allah, il sait, Wallahu alam ma kuntum taktumun. Allah, il sait ce que tu renfermes en toi. La vraie cause qui fasse que tu parles sur un tel ou un tel ou un tel, Allah, il le connaît, malgré tout. Et cette maladie, le hasad du cœur, ala char, c'est un fléau dont on peut voir beaucoup de mal sur la personne. Entre les proches de même famille, comme on l'expliquait. Entre les ibad, entre eux, sur la umma. Et c'est pour cela qu'il a été rendu interdit. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un Nabi Urayra, dans le hadith mutawakkun alayhi, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaadu, wa la tadabaru, wa la yabi'a ba'dukum, wa la bi'a ba'd, wa kunu ibad Allah ikhwana. Al-muslim akhu al-muslim, la yazlimu, wa la yaghdhuru, wa la yahqiru. At-taqwa ha huna. Ou yushir il est sadr, falas marrat. بحسب مرء من شر أو من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دامه وماله وعرضه. Il a dit quoi le Nabi صلى الله عليه وسلم؟ Ne vous jalousez pas. Il a commencé par cela en premier lieu. Ne faites pas de tanajush. C'est une forme de vente qui amène à tromper. Ne vous détestez pas. Ne vous tournez pas le dos. Qu'aucun d'entre vous ne vende sur la vente d'un autre. Soyez des frères ou des serviteurs d'Allah en toute fraternité. Que le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui, car la jalousie t'amène à être injuste. Il ne l'abandonne pas, car la jalousie va t'amener à l'abandonner. Il ne le méprise pas, car la jalousie va t'amener à mépriser ton frère. Wa fi riwaya wa la yakzibu, qu'il ne lui ment pas. Cette jalousie peut t'amener à lui mentir. Et que la piété est ici, en l'indiquant trois fois dans sa poitrine. Et il suffit à l'homme, comme mal, qu'il ne méprise son frère musulman. Le mépris en soi. Et le mépris est parmi les sœurs de la jalousie. Il dit tout musulman est sacré sur tout musulman. Son sang, ses biens, son honneur. Et cette jalousie peut t'amener, comme on l'a expliqué, à tuer. Peut t'emmener à voler ou à escroquer ou à détruire. Ou alors son honneur à parler sur lui injustement. Wa an Abi Hurayra, قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباعدوا وكونوا عباد الله إخوانا. Dans un hadith proche du précédent, quand il dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, prenez garde aux suspicions, prenez garde, car les suspicions sont les plus mensongères des paroles. C'est-à-dire, tu penses des choses des gens sans rien du tout, et tu émets un jugement sur ta pensée, ta suspicion, ton doute. Et ne vous épiez pas, et ne vous espionnez pas, et ne vous jalousez pas. Et tout cela est lié. Car celui qui est jaloux va penser du mal, sans raison valable. Et il va épier, il va espionner. Voilà tadabarou, ne vous tournez pas le dos. Voilà tadabarou, ne vous détestez pas. Et kazalik, soyez serviteurs d'Allah en toute fraternité. Mais alhamdoulillah, comme toute maladie dont est atteint l'insan, Allah Azza wa Jal bi rahmatihi al-wasi'a nous a accordé al-ilaj, le remède. Comme a dit le hadith Jabir, قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب الدواء الداء برأ بإذن الله عز وجل, que pour chaque mal, il y a un remède. Et que si jamais le remède atteint le mal, celui-ci sera ôté par la permission d'Allah. Hadith Rawal Bukhari. Donc il y a un remède. Hissi au Marnawi. Hissi au Marnawi. Et les maladies du cœur, qu'on a cité au début, contrairement à celles du corps, elles soignent comment ? Bifahm. الكتاب والسنة والعمل بهما بالعلم. Elles se sont comment? Par le ilm, par la science, par le Coran, par la sunna. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. Dit en parlant de ce Coran qu'il est pour ceux qui ont cru une guidée et une guérison. Ibn Qudamah كذلك, il dit dans son livre Minhaj al-Qasidin que justement ces maladies se guérissent par ces moyens-là, al-ilm ou al-amal bil-ilm. Donc cette maladie-là, le hasad, on est tous exposés à le ressentir. Mais qu'est-ce qui est demandé de nous? De le repousser. Comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-hasad maradun min amrad al-nafs wa huwa marad ghalib fala yakhlus minhu ila al-qalil min an-nas. ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم من يبده والكريم يخفيه. Il a dit que ce hasad, cette jalousie, est une maladie parmi les maladies de l'âme, c'est-à-dire du cœur, et c'est une maladie qui est très répandue, que seulement peu des gens arrivent à se débarrasser. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas un corps qui soit exemple de jalousie, c'est-à-dire on le ressent tous en nous, c'est en nous. Cependant, celui qui est blâmé, c'est celui qui le fait apparaître. C'est-à-dire qu'il laisse libre cours à sa jalousie. Et l'honorable est celui qui la cache. C'est-à-dire qu'il la contient. Il la combat. قال رجل للحسن البصري هل يقصد المؤمن قال ما أنساك بني يعقوب ولكن غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعدو به يد ولا لسان كيف جاء الحسن est-ce que le croyant peut être jaloux il lui répondu qu'est-ce qui t'a fait oublier l'histoire des fils de Yaakoub les frères de Youssouf comme on a parlé au début cependant renferme-le en toi ce hasad, cette jalousie, qui ne tenura en rien, tant qu'il n'est pas ressorti à travers ta main et à travers ta langue. Ça veut dire, ne laisse pas libre recours. Contiens-le en toi. Contiens ce hasad en toi. Parmi les remèdes qu'il y a justement contre le hasad, al-iman billah, al-iman al-sahih, al-kamil, de croire complètement et totalement en Allah Azza wa Jal. يقول سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم que celui qui croit en Allah il guide son cœur car le jalousie est où maladie du cœur et Allah est omniscient de toutes choses ce qui inclut quoi الإيمان بأسمائه وصفاته والله الحكيم والعدل والعليم que Allah justement tu sais qu'il est hakim qu'il est sage c'est-à-dire qu'il met les choses à leur place qu'il est adl, qu'il est juste, qu'il est alim, qu'il est omniscient, et c'est tout. Donc si tu penses à ce que inclut ces noms, tu ne peux jalouser quelqu'un. Car tu sais qu'il a cette chose-là par une hikmah d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'il est le malik, c'est lui le roi. Et toi, un tel abd, tu es son serviteur. Et qu'il agit comme il veut dans son royaume. « Ulillahumma malik al-mulk, tu'til mulk man tasha, wa tanzi'u al-mulk miman tasha, wa tu'izu man tasha. » وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Il a dit, ô Allah, roi de tous les rois, tu accordes la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves de qui tu veux. Tu accordes la gloire à qui tu veux et tu l'enlèves ou tu rabaisses qui tu veux. Le bien se trouve dans ta main et tu es certes omnipotent. Ce verset-là, من تأمله وفهمه جَهَلَهُ خَيْلْ عَظِيمٌ فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ C'est un grand bien pour celui qui comprend ce verset-là, que Allah, c'est lui le roi, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne, c'est lui qui enlève, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Donc, أَيْنَ الْفَائِدَ مِنِ الْحَسَنِ Donc, ce verset-là peut t'aider à guérir ton cœur de cette maladie si tu es de ceux qui sont atteints et qui agissent. كَذَلِكَ التَّقْوَى تَقْوَى اللَّهَ عَزَى وَجَلْ Cette taqwa, cette crainte qui consiste à mettre une protection entre toi et sa colère. Et cette jalousie, justement, parmi les causes qui mettent Allah en colère. Car il n'aime pas cela. Et cela t'expose à subir son châtiment. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillah, yaj'allahu makhraja. Celui qui craint Allah lui accorde une issue. Donc, l'issue de cette jalousie, c'est que tu craignes ton Seigneur. Parmi les remèdes, kadhalik ma'ana ash-shukr, la reconnaissance, le remerciement, que tu reconnaisses que les bienfaits que Allah nous a accordés. Car celui qui réalise ce qu'il possède et se soucie de le conserver, de l'entretenir, voire même de le faire fructifier, hein, il n'a aucun intérêt à voir ce qu'un tel possède ou pas. Il dit « Je suis mashrou parce que j'ai moi déjà. Ce que j'ai là, je veux le garder comme bien. Voire même, je veux qu'il s'accumule, qu'il augmente. » Donc là, tu t'akbil al-ashani, qui t'occupe de toi-même en premier lieu. Tu n'as pas le temps avec les gens ou avec un tel. Car tu sais que ce que tu as, tu peux tout perdre. Et cette jalousie, dans un hadith qui est venu, mais qui il y a un kalam dessus, que la jalousie mange les bonnes actions comme le feu mange les fagots de bois. Ta jalousie peut manger tes hasanettes. Donc la personne a fait attention à cela. Parmi les grandes causes, jihad et nefs, le fait de combattre ton nefs en toi. وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُحْسِنِينَ Que ceux qui combattent en nous, c'est-à-dire le combat là, c'est pas forcément le combat des armes, c'est le combat du nefs, le jihad, que nous allons certes les guider sur nos sentiers et que Allah est avec les bienfaisants. Donc celui qui combat son nefs, Allah va le guider. Tu combats ce qui est en toi, cette jalousie, tu la repousses. Car on l'a dit au début, ou tout à l'heure, cette jalousie-là, aucun corps n'en est exempt. Cependant, on l'a dit, اللايم من يبدي celui qui est blâmable, celui qui le fait apparaître, ou le kalim, yurfi, l'honorable, il lui, il le renferme et le cache. Khudh hadhi min al-asbab, parmi les remèdes, faire dua sincère en faveur de celui dont on voit que Allah l'a gratifié. Car cela peut être accordé, cela peut nous être accordé également par la suite. Comme a dit le hadith Umm Darda, قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que l'invocation qu'un homme fait pour son frère sans qu'il le sache, c'est-à-dire en secret, tu pour ton frère, cela est exaucé. Donc tu invoques pour ce que tu jalouses. Et que auprès de ta tête, tu as un ange, d'accord, un ange qui est là, qui se charge de toi. À chaque fois que tu invoques pour ton frère dans le bien, cet ange, il dit Amin et il te dit et pour toi la même chose. C'est-à-dire ce que tu as demandé pour ton frère, que cela te revienne également à toi. Prends cela à ton avantage. Tu donnes du bien à ton frère et tu peux toi-même tirer du bien en invoquant pour lui, plutôt que de lui faire du mal. On rajoute un rejour, il est rouge. Que tu reviennes à la raison pour combattre ta jalousie. Reviens à la raison. Car le jaloux doit prendre conscience qu'il ne se nuit qu'à lui-même, dans sa dunya, dans son au-delà. On l'explique, il se rend malade, il se met dans tous ses états, pour empêcher une chose sur laquelle il n'a aucune emprise. Il n'a aucun droit, aucun contrôle. Et cela finira par le nuire. Qal al-Hassan. Ya ibn Adam, lima taqsud akhak? Fa in kana alladhi a'tahu Allah li karamatihi عليه فلما تحسد من اكرمه الله وان كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره الى النار. Il a dit le Hassan, ô fils d'Adam, pourquoi est-ce que tu jalouses ton frère? C'est ce que Allah lui a accordé pour l'honorer, alors pourquoi tu jalouses une personne que Allah veut honorer? Et si jamais tu le jalouses pour autre que cela, pourquoi tu jalouses une personne dont la destination est l'enfer? Car tu ne sais pas ce que Allah lui a accordé, que va-t-il en faire? Car tu vois des gens, comme Allah Ta'ala, aime, yasuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli. Est-ce qu'il jalouse les gens à ce que Allah leur a accordé comme bienfait? Il parlait des gens du livre à ce moment-là. Donc ce bien que Allah lui a accordé, ça peut être un bien pour lui. Tout comme, il se peut que tu vois quelqu'un qui fasse du mal, qui ne soit pas bien, tu dis pourquoi un tel il a telle chose? Alors que cette chose-là, c'est istidraj, min Allah pour lui, pour que Allah le guide en échelon vers le châtiment. Qu'a fait hadith Uqba ibn Amir, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit, « Iza ra'ayta Allah yu'ati l'abd min al-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama wa istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna alihim abwaba kulli shay, hatta iza farihu bima utu, akhaznahum ba'tatan fa iza hum mublisun. » Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu vois que Allah donne à un serviteur des choses de ce bas monde, alors qu'il le désobéit, il donne à cette personne-là ce qu'elle aime, alors qu'il désobéit à Allah azza wa jalla impunément, sache que cela est juste un istidraj, c'est-à-dire qu'Allah lui donne pour pouvoir les guérir encore plus. Voilà la suite. Et après, il s'est mis à réciter la parole d'Allah dans le sens où il dit que lorsqu'ils ont oublié ce que nous leur avons rappelé, nous leur avons ouvert les portes de toutes choses, c'est-à-dire comme bien. À tel point qu'ils en furent réjouis et contents. Et à ce moment-là, nous les avons soudainement pris, les voilà qui sont perdus. Ça, c'est le cas des koufars, quand on voit ce que Allah accorde aux koufars comme bienfait. Ne crois pas que c'est pour leur bien. C'est juste par istidraj. Ceux d'entre eux qui sont destinés à la hidayah, ils vont remercier, ils vont se remettre en question et se soumettre à Allah, azza wa jalla. Les autres, ils vont s'enfoncer dans le mal. Ils vont s'enfoncer dans le mal. Donc toi, c'est quoi ton intérêt? C'est quoi ton intérêt? T'as rien à gagner par rapport à cela. Ibn Qudama, il a donné un exemple du jaloux, pour montrer justement que le jaloux, comment il se fait du mal à lui-même. Et que ce mal se retourne contre lui. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui veut tuer son ennemi en lui jetant une pierre. Il prend une pierre, il lance sa pierre sur son ennemi. Il n'atteint pas son ennemi, cette pierre ricoche contre un mur ou autre, et revient en son œil et lui crée son œil à lui. Pris de colère parce qu'il lui est arrivé, il prend une deuxième pierre, il la relance sur son ennemi, et une fois de plus, il n'arrive pas à l'atteindre. La pierre ricoche et revient et lui crée son deuxième œil. Et de là, pris de folie et de furie, qu'on dit crève, peut-être qu'il voit encore, Allah Alam, il prend une troisième pierre, déterminé à faire du mal à la personne. Il la jette sur lui, une fois de plus, la pierre ricoche et vient dans sa tête, à lui-même. Qu'est-ce qu'il a gagné en faisant cela? Et son ami le regarde et rigole de lui. Il a dit, le jaloux, il est comme ça. Le jaloux qui laisse libre cours à sa jalousie, il est comme ça. Ça revient contre lui. Et la personne qui est jalouse, si ça en compte, elle regarde. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Il rentre dans la folie. Quand Issa viendra, alayhi salam, justement, avec le hadl qui va se passer, il n'y aura plus de tabaroud, de haine entre nous, de shuhana, et pas de jalousie également. Kazalik, parmi les questions qu'on pourrait se demander, c'est comment se préserver de la jalousie des autres. Comment se préserver? Car tu souhaiterais ne pas subir du mal du jaloux. Mais c'est une chose qui est quasiment inévitable. Comme quand le Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, n'a ni'matun ou ni'matullah ala ahadin illa wajjahahu laha hasadan. Qu'il n'y a personne qui a reçu un bienfait d'Allah azawajal sans qu'il n'ait fait face à de la jalousie. Allah t'accorde un bienfait, tu auras forcément des gens qui vont te l'envier, ce bienfait. C'est inévitable. Après, c'est de différents degrés. T'en as qui agissent, qui vont loin, et d'autres qui sont peu discrets dans leur jalousie. Première cause, Antastaïza billah. Tu recherches refuge auprès d'Allah. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad. Je recherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, du mal, des êtres qu'il a créés, et contre le mal de l'obscurité, lorsqu'elle s'intensifie, et du mal de celles qui souffrent dans les nœuds, c'est-à-dire les sorcières, et du mal de la jalousie de celui qui jalouse. Allah t'a incité à faire cela. Parmi les sourates les plus courtes qu'on apprend tous, d'accord, dans le Coran, cela. Car c'est une chose qui est fréquente. Kazadik, un tuwazib ala afkar fil masa wa sabah. Les afkar, les invocations à faire du matin du soir, te préserve. Et tawakkul, tu fasses prendre le tawakkul. Kulan yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa lallahi fayatawakkalil mu'minun. Dit que ne nous atteindra que ce que Allah nous a écrit et qu'il est notre secoureur, notre allié, et que c'est sur Allah que les croyants passent leur confiance seulement. Parmi ces causes-là également, que toi-même tu combattes ta propre jalousie, car nous sommes tous amenés à subir ce que nous faisons subir nous-mêmes aux autres. Comme tu fais aux autres, tu subiras toi également. Tu es jaloux de quelqu'un pour une chose. Et cette jalousie, tu l'extériorises, tu trouveras un jaloux, peut-être plus jaloux que toi, qui te fera peut-être encore plus de mal que ce que tu as fait à autrui. Donc tu veux pas que ça t'arrive. Commence par toi à ne pas le faire subir aux autres. Aussi, on invite les gens, on encourage les gens à éviter seulement de provoquer la jalousie des autres. Évitez de le faire. Ne provoquez pas les gens. Comment cela? Évite d'exposer tes bienfaits sans raison valable, inutilement. Ou par provocation, ou par ostentation, pour dire, regardez ce que j'ai, choufou, unzuru, alhamdulillah. Car, bien sûr, Allah, il aime voir ses bienfaits sur son serviteur. Ce qui n'implique pas non plus que le serviteur expose tout ce qui peut être comme bien à tout le monde. Il fait attention. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, faqulu ala Allah, tawakkalna, rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin. Et dites que nous plaçons notre confiance sur Allah. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une tentation pour les gens injustes. Ne fais pas de nous une tentation pour les gens injustes. Donc toi, fais-toi discret dans ce que tu as. Quand tu vas en parler à des gens qui sont concernés, tu vas leur montrer un bienfait que tu as. Ou quoi ? Ma fi ma'dhur fi hadha. Wa mimma bi ni'mati rabbika fa hadith. Et quand on bienfait de ton Seigneur, pour clamer. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois extorquer cela à tout le monde. Comme des gens, par exemple, ils font sur les réseaux sociaux, ils mettent tout en photo, leur nourriture, leurs enfants, leurs biens, ou sur les profils WhatsApp, ou dans ce qu'on appelle maintenant les statuts, là. Des gens qui mettent leurs bienfaits, l'autre, il met, je sais pas moi, son enfant, l'image de son enfant, l'autre, il met ce qu'il a mangé comme festin il y a quelques jours, au casa, au casa, au casa. Des choses qui causeront l'envie d'autres personnes. Et sache que, comme j'ai posé la question à mes chers, que quelqu'un peut atteindre du Aïn en regardant une photo. Ne crois pas, tu dis, l'intel ne pourra pas m'atteindre du Aïn. Avec une photo, il peut atteindre du Aïn. Car le Aïn est basé sur quoi? Sur le Nova, le fait de voir une chose. Donc ce qu'il va voir sur ta photo, ou autre que cela, peut t'atteindre, malgré tout. Combien on voit de sœurs, voilà, azubillah, qui mettent leurs photos de leur visage, même embellies des fois, sur les réseaux sociaux en photo de profil. En cela, ce n'est pas permis de t'assouir, comme on le sait. Et la femme, elle couvre son visage. Et encore moins, tu montres à tout le monde. À la base, Shalran, il est à de nous qu'on baisse le regard. Et elle vient, son visage à tout le monde. En train de sourire et toute maquillée. On dit, t'as rien compris au verset. Et si demain, il t'arrive quelque chose par rapport à cet acte, ne sois pas surprise. Ou un frère, par exemple, des frères qui sont musclés, ce genre de choses, qui exposent leur corps, qui s'exhibent. Hada min hadal bab kadhalik. Kulluhu shay wahid. Voilà Moustaha. Justement, parmi les Nansa'ih qui amènent à cela, c'est ce qu'a dit Yaqub à son fils. Youssouf, il avait peur pour lui de la jalousie. Qala ya bunayya, la taksus ru'yaka 'ala ikhwatik, fayakilu laka kayda. Inna shaytan l'insan adun mubin. Il a dit, oh mon cher fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils vont comploter contre toi. Car cet shaytan est un ennemi déclaré, clair, pour l'humain. Donc Yaqub, il savait cela. Il a dit cela, Youssouf. Donc toi, prends conscience de cela. Évite de montrer des bienfaits que tu as lorsqu'il n'y a pas d'intérêt. Cela peut te coûter la jalousie des gens et de subir le mal par la suite. Et parmi les asbab que Ibn Qayyim a cité, parmi les plus difficiles, mais les plus efficaces, bi'iznillah ta'ala, mais très difficiles à atteindre et à faire, c'est être bienfaisant justement envers le jaloux. Plus il cherche à te nuire, et plus tu lui rends par le bien. وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et que les mauvaises et les bonnes actions ne sont pas égales. Et repousse de la meilleure des façons, c'est-à-dire le mal qu'on te fait. Repousse-le de la meilleure des façons. Et soudainement, ce qu'il y a entre toi comme entre toi et lui comme animosité, ça devient une amitié chaleureuse. Du fait que tu l'as repoussé de la meilleure façon, il a changé, il s'est amélioré. C'est pas tout le monde qui arrive à faire cela, c'est difficile. فَالْمُهِمْ مِنْ هَذَا. Pour combattre ce mal, des causes ont été mises, pour s'en préserver, des causes ont été mises, pour s'en rendre compte de ce mal, des faits ont été démontrés. بِهَذَا. فَنَقُلْ كَمَا قَالَ تَعَالَى رَبَّنَا لَا تُزِيعْ قُلُوبَنَا بَعْدِ إِذَا هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. هَذَا الَّذِي نَقُولُ. Que Allah ne fasse pas guérir nos cœurs après qu'il nous ait guidés. وَأَنْ يُصْلِحْ حَالَنَا وَأَنْ يُوَفِّقَنَا لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى وَأَنْ يَشْفِيَ صُدُورَنَا مِنْ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ الْخَطِيرَةِ الَّتِي تَدُرُّ أَنْفُسَنَا وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.